Madame la baronne, vous me voyez confondue de l'honneur que vous me faites en venant ici, dit la cantatrice, qui s'était promis de bien jouer son rôle de grande dame. Elle avança elle-même un fauteuil ganache à la baronne et prit pour elle un pliant. Elle reconnut la beauté disparue de cette femme et fut saisie d'une pitié profonde en la voyant agitée par ce tremblement nerveux que la moindre émotion rendait convulsif. Elle lut d'un seul regard cette vie sainte que jadis Hulot et Crevel lui dépeignaient, et non seulement elle perdit alors l'idée de lutter avec cette femme, mais encore elle s'humilia devant cette grandeur qu'elle comprit. La sublime artiste admira ce dont se moquait la courtisane. « Mademoiselle, je viens amenée par le désespoir qui fait recourir à tous les moyens. » Un geste de Josepha fit comprendre à la baronne qu'elle venait de blesser celle de qui elle attendait tant, et elle regarda l'artiste. Ce regard, plein de supplications, éteignit la flamme des yeux de Josepha qui finit par sourire. Ce fut entre ces deux femmes un jeu muet d'une horrible éloquence.